Comment pratiquer les soins énergétiques? Premièrement, introduction aux soins énergétiques. La guérison énergétique est une approche holistique du bien-être qui se concentre sur le rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie dans le corps et l'esprit en travaillant avec les systèmes énergétiques subtils. Il reconnaît que tout dans l'univers est constitué d'énergie, et lorsque cette énergie est bloquée ou déséquilibrée, elle peut se manifester par un malaise physique, émotionnel ou spirituel. Les techniques de guérison énergétique visent à dégager, équilibrer et améliorer le flux d'énergie, favorisant la guérison et le bien-être. Dans cet article, nous explorons les principes fondamentaux de la guérison énergétique, diverses techniques que vous pouvez pratiquer, et comment développer vos compétences dans ce domaine transformateur. Que vous soyez un débutant ou un praticien expérimenté, ce guide vous fournira des informations précieuses et des conseils pratiques pour approfondir votre compréhension et votre pratique de la guérison énergétique. Le concept de guérison énergétique. La guérison énergétique est une pratique holistique qui reconnaît le rôle important que joue l'énergie dans notre santé et notre bien-être. Cela implique de travailler avec les systèmes énergétiques du corps pour rétablir l'équilibre et favoriser la guérison. Le principe sous-jacent est que nous sommes tous constitués d'énergie et toute perturbation ou déséquilibre de notre énergie peut entraîner des problèmes physiques, émotionnels ou spirituels. Les guérisseurs énergétiques utilisent diverses techniques pour canaliser et manipuler l'énergie, lui permettant de circuler librement dans tout le corps. Les bienfaits des soins énergétiques. Les soins énergétiques offrent un large éventail de bienfaits pour le corps et l'esprit. Il peut aider à réduire le stress et l'anxiété, améliorer la qualité du sommeil, renforcer le système immunitaire et améliorer la vitalité globale. La guérison énergétique peut également traiter des maux physiques spécifiques et des conditions chroniques en ciblant la racine du problème au niveau énergétique. De plus, il peut favoriser la guérison émotionnelle, favoriser la croissance spirituelle et faciliter un plus grand sentiment de paix intérieure et d'équilibre. 2. Comprendre les bases de l'énergie. La nature de l'énergie. L'énergie est la force vitale qui traverse tout dans l'univers. Il existe sous différentes formes, telles que les champs électromagnétiques, les vibrations et l'énergie subtile. Dans le contexte de la guérison énergétique, il fait référence à l'énergie subtile qui imprègne notre corps et interagit avec nos aspects physiques, émotionnels et spirituels. Cette énergie peut être influencée par nos pensées, nos émotions, notre environnement et nos expériences. Le système énergétique humain se compose de divers centres énergétiques, voies et champs qui régulent le flux d'énergie dans tout le corps. Ceci inclut les chakras, les méridiens et l'aura. Chaque composant joue un rôle vital dans le maintien de notre bien-être général et tout blocage ou déséquilibre peut entraîner des problèmes physiques ou émotionnels. Les techniques de guérison énergétique visent à nettoyer, équilibrer et harmoniser ces systèmes énergétiques, permettant une santé et une vitalité optimales. Le rôle des chakras dans la guérison énergétique. Les chakras sont des centres d'énergie en rotation situés le long du canal central du corps. Il existe 7 chakras principaux, chacun correspondant à différents aspects physiques, émotionnels et spirituels de notre être. Les guérisseurs énergétiques se concentrent souvent sur ces chakras pour identifier les déséquilibres et rétablir leur bon fonctionnement. En nettoyant et en alignant les chakras, la guérison énergétique aide à promouvoir le bien-être général et à faciliter le processus de guérison. 3. Explorer différentes techniques de guérison énergétique. Guérison Reiki. Le Reiki est une technique de guérison japonaise qui consiste à imposer doucement les mains pour canaliser l'énergie vitale universelle. Les praticiens utilisent des positions de mains spécifiques pour diriger l'énergie dans le corps du receveur, favorisant la relaxation, la réduction du stress et la guérison physique. Le Reiki peut être utilisé pour l'auto-guérison ou pour soutenir les autres dans leur parcours de guérison. Cristal de guérison. La guérison par les cristaux utilise les propriétés énergétiques des cristaux et des pierres précieuses pour rétablir l'équilibre et éliminer les blocages énergétiques. Les praticiens placent des cristaux sur ou autour du corps pour absorber, concentrer et diriger l'énergie. Chaque cristal a des propriétés uniques, et on pense qu'il résonne avec différents aspects du système énergétique humain. La guérison par les cristaux peut améliorer la guérison à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel. Guérison sonore. La guérison par le son implique l'utilisation de diverses fréquences sonores, telles que des bols chantants, des diapasons ou des chants, pour équilibrer et harmoniser l'énergie du corps. Les vibrations produites par ces sons peuvent pénétrer profondément dans les cellules, les tissus et les centres énergétiques, favorisant la relaxation, la libération des tensions et l'alignement énergétique. La guérison par le son peut être profondément thérapeutique et peut avoir un impact profond sur le bien-être général d'une personne. Acupuncture et acupression. L'acupuncture et l'acupression sont des pratiques de guérison anciennes qui consistent à stimuler des points spécifiques du corps pour favoriser la circulation de l'énergie. L'acupuncture utilise de fines aiguilles, tandis que l'acupression applique une pression sur ces points. En ciblant des méridiens et des points d'acupuncture spécifiques, ces techniques aident à rétablir l'équilibre et à soulager divers maux physiques et émotionnels. 4. Créer un espace de guérison énergétique. Dégagement et nettoyage de l'espace énergétique. Créer un espace propre et énergétiquement clair est essentiel pour une guérison énergétique efficace. Cela peut être fait par des pratiques, comme le maculage avec de la sauge ou l'utilisation d'outils sonores, comme des cloches ou des carillons, pour éliminer l'énergie stagnante. Nettoyer et désencombrer régulièrement votre espace physique peut également aider à maintenir un environnement énergétique harmonieux. Définir des intentions et créer un espace sacré. Définir des intentions est un moyen puissant de diriger l'énergie et de se concentrer pendant les séances de guérison. Avant de commencer toute pratique de guérison énergétique, prenez un moment pour définir vos intentions et créer un espace sacré. Cela peut inclure l'allumage de bougies, l'utilisation d'huiles essentielles ou la diffusion de musique douce pour créer une atmosphère sereine et paisible. Utiliser des outils et des rituels énergétiques. La guérison énergétique peut être améliorée en incorporant des outils et des rituels dans votre pratique. Ceux-ci peuvent inclure l'utilisation de cristaux, d'huiles essentielles, de cartes oracles ou de tout autre objet qui résonne avec votre intention et votre énergie. Explorez différents outils et rituels qui vous parlent et expérimentez ce qui vous convient le mieux pour créer un environnement énergétiquement favorable. N'oubliez pas que la guérison énergétique est un voyage profondément personnel et qu'il est essentiel de trouver ce qui résonne en vous. Faites confiance à votre intuition et soyez ouvert à l'exploration de différentes techniques et approches. Avec le temps et la pratique, vous pouvez développer votre propre style unique de guérison énergétique qui correspond à vos besoins et préférences. 5. Développer l'intuition et la sensibilité à l'énergie. Puisez dans l'intuition et la guidance intérieure. En matière de soins énergétiques, l'intuition est votre arme secrète. C'est comme avoir un acolyte fidèle qui vous guide dans le domaine de l'énergie. Pour puiser dans votre intuition, prenez le temps de calmer votre esprit et de vous connecter à votre guidance intérieure. Faites confiance à ces intuitions qui se présentent à vous. Ils détiennent souvent des idées et des messages précieux de l'univers. Pratiquez la détection et la perception de l'énergie. Sentir et percevoir, l'énergie peut sembler sortir d'un film de super-héros, mais c'est une compétence qui peut être développée avec un peu de pratique. Commencez simplement par prêter attention aux changements subtils et aux sensations de votre propre corps. Remarquez comment différentes énergies se sentent, certaines peuvent être chaudes et apaisantes, tandis que d'autres peuvent sembler lourdes ou stagnantes. Plus vous pratiquez, plus vous devenez sensible à l'énergie qui vous entoure. Approfondir la connexion avec l'énergie universelle. Se connecter avec l'énergie universelle qui traverse tout peut être une expérience profonde. Une façon d'approfondir cette connexion est la méditation. Prenez le temps chaque jour de vous asseoir dans le calme et de vous connecter à l'énergie qui vous entoure. Sentez-vous fusionner avec le flux universel et permettez à cette énergie de circuler à travers vous. C'est comme se brancher sur une source d'énergie cosmique. 6. Pratiquer l'auto-guérison et les soins personnels. Technique de guérison énergétique pour l'auto-traitement. En tant que guérisseur énergétique, il est crucial de pratiquer l'auto-guérison et les soins personnels. Après tout, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Il existe de nombreuses techniques de guérison énergétique que vous pouvez utiliser sur vous-même, telles que le Reiki, l'équilibrage des chakras ou la visualisation. Expérimentez différentes méthodes et trouvez celle qui vous convient le mieux. N'oubliez pas que prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est essentiel. Entretien et protection de l'énergie. Tout comme vous protégez votre corps physique des dommages, votre champ énergétique a également besoin de protection. Les énergies négatives et les émotions peuvent facilement influencer votre propre énergie. Établissez une routine d'entretien pour nettoyer et protéger votre champ énergétique. Cela peut inclure des taches de sauge, la visualisation d'un bouclier protecteur autour de vous ou l'utilisation de cristaux, comme la tourmaline noire pour le nettoyage et la protection de l'énergie. Équilibrez votre propre énergie. Le maintien de l'équilibre est la clé d'un système énergétique sain. Faites attention à votre propre niveau d'énergie et remarquez quand vous vous sentez épuisé ou dépassé. Faites des pauses si nécessaire, accordez la priorité aux soins personnels et soyez conscient de vos limites. Il est normal de dire non et d'honorer vos propres besoins énergétiques. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas aider efficacement les autres si vous êtes à bout de souffle. 7. Considérations éthiques dans la guérison énergétique. Respectez le consentement et les limites du client. L'éthique est un aspect important de toute pratique de guérison. Lorsque vous travaillez avec des clients, obtenez toujours leur consentement éclairé et respectez leurs limites. Communiquez clairement la nature de la session, les risques potentiels et assurez-vous qu'ils ont la liberté de poser des questions ou de se retirer à tout moment. Le consentement et les limites sont essentiels pour créer un environnement de guérison sûr et confiant. Maintenir le professionnalisme et la confidentialité. En tant que guérisseur énergétique, le professionnalisme est important. Traitez votre pratique comme une entreprise et maintenez des limites appropriées avec les clients. Ne partagez les informations qu'avec leur autorisation explicite et gardez confidentiels tous les détails personnels et de session. Respectez leur vie privée et assurez-vous que votre pratique respecte les normes éthiques. Responsabilités éthiques en tant que guérisseur énergétique. Être un guérisseur énergétique s'accompagne de responsabilités éthiques. Il s'agit notamment de poursuivre votre propre croissance personnelle et professionnelle, de vous tenir au courant des connaissances et des techniques pertinentes, et de ne pas faire de fausses déclarations ou promesses. Traitez vos clients avec respect, compassion et intégrité, en gardant toujours leurs meilleurs intérêts à cœur. 8. Faire progresser votre pratique de guérison énergétique. Formation continue. Pour continuer à grandir en tant que guérisseur énergétique, il est essentiel d'investir dans votre propre éducation et formation. Assistez à des ateliers, des séminaires ou des cours pour approfondir vos connaissances et vos compétences. Explorez différentes modalités et apprenez des praticiens expérimentés. Plus vous en apprendrez, plus vous aurez d'outils dans votre boîte à outils de guérison énergétique. Construire une clientèle et réseauter. Construire une clientèle demande du temps et des efforts. Faites connaître votre pratique de guérison énergétique par le bouche à oreille, les médias sociaux ou des événements communautaires locaux. Le réseautage avec d'autres guérisseurs ou praticiens holistiques peut également mener à des collaborations et à des références. N'oubliez pas que l'établissement de liens et l'entretien de relations sont la clé du succès. Développez votre style unique et vos spécialisations. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous développerez votre propre style et vos spécialisations en matière de guérison énergétique. Trouvez les techniques et les modalités qui résonnent le plus en vous et concentrez-vous sur leur maîtrise. Découvrez vos forces et vos passions dans le domaine et créez-vous une niche. Embrassez votre individualité et laissez votre personnalité briller à travers votre pratique. Maintenant, allez de l'avant et pratiquez la guérison énergétique avec l'intuition, les soins personnels, l'éthique et la poursuite de la croissance. N'oubliez pas que la guérison est un voyage et que vous continuez à apprendre et à évoluer, vous deviendrez un conduit encore plus puissant d'énergie universelle. En conclusion, la guérison énergétique offre un moyen puissant et efficace de promouvoir la santé, l'équilibre et la guérison de tous. Les niveaux. En comprenant les bases de l'énergie, en explorant différentes techniques et en développant vos compétences, vous pouvez vous lancer dans un voyage transformateur de découverte de soi et de guérison. N'oubliez pas que la guérison énergétique est une pratique qui dure toute la vie et qui nécessite du dévouement, de l'intuition et un apprentissage continu. Embrassez le pouvoir de la guérison énergétique et laissez-le vous guider vers un état de bien-être vibrant et de paix intérieure. Que votre voyage dans la guérison énergétique soit rempli de lumière, d'amour et d'expériences de guérison profonde. Page 16, nous allons voir comment pratiquer la respiration profonde. Page 16.